On veut me marier. Vous marier? Un homme que je déteste. Oh, monsieur Robert, que dois-je faire? Obéir. Vous me dites cela d'un ton? Tenez, tenez, j'aurai de la franchise. Demain je pars, il faut Stella, aujourd'hui je vous dise ce que je ressens là, ce que je ressens là. J'ose vous le dire, oh, je la dis, oh, je le respire. Pour vos doux yeux, oui, je vous ai vu, et depuis ce jour, mon âme vaincue s'ouvrit à l'amour. Oh, je radie, oh, je ne respire. Cet amour funeste, je saurais me guérir, bientôt je resterai sur quelque champ de bataille, et dirai je ferai pour cela tout ce que je pourrai. Oh, je vous le dis franc. Comment? Je vous le dis franc. Stella, chère Stella, ai-je bien entendu ce que vous dites là? À cet aveu tendre, je le dis tout bas, vous devez comprendre tout Jesus.